J'arrive à hauteur d'une traversée de tramway. C'est la signification de ce panneau. Dans cette situation, en l'absence de feu rouge clignotant, je dois prendre mes responsabilités avant de m'engager. Je m'approche du plus près que je peux de la voie du tramway, je m'arrête et je contrôle qu'aucun tram n'arrive ni de gauche ni de droite, puis je passe. Réponse A et C.